ces rues de le combat brutal. Dans ce monde dur, on est immortel. La nuit s'efface, l'obsolète. Dans le cœur du stream, l'espoir s'élève.